Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ça va? Vous êtes bien installé confortablement dans votre fauteuil? Une bière bien fraîche? Eh ben, je vous envie. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend ce soir, donc moi, je me régale d'avance. Et oui, deux heures de métal avec cinq nouveautés. Je vous ai ressorti aussi des petites vieilleries, parce que ça fait quand même du bien des fois de se replonger un petit peu dans les choses un petit peu anciennes. Et puis donc, différents styles et sous-styles qui composent notre donc style de musique préféré. Vous êtes prêts? Bien installés? On va commencer donc, si vous voulez, avec ce qui était une des nouveautés donc, de la semaine dernière. Le nouvel EP de Last Quarter, groupe parisien qui nous a sorti un petit EP sympa qui s'appelle For The Hive. Donc mélange de doom et de grunge. On va se faire le petit morceau de ce soir qui s'appelle, ouais, bah, je crois que ça décrit bien comment on est dans Electric Shock. We'll be just fine. Eternal light in spooky night. We sing a stressful blues. Tearing our existence apart, where it's shaping doom like heart. We're lost traveling in space and time with a common hate for every start. We are travelers without a dime, wondering why. We got it wrong. Ça, c'est vraiment une révélation. Hein. Dirty Black Summer avec leur premier album Gospel of Your Sin sorti au mois de novembre. C'était le morceau que j'arrive à me relire par hasard. Ouais, Spit on Your Grave, ouais, tout un programme. Et le morceau qui a ouvert donc l'émission tout à l'heure, c'était We'll Be Just Fine de Force The Hive, le dernier EP de Last Quarter. Maintenant, vous savez que la radio, c'est formidable, c'est un outil formidable parce qu'on peut voyager dans le temps et l'espace sans bouger son cul de son fauteuil. Et là, je vais vous emmener à Barcelone en 1994, où on va retrouver les Green Day qui avaient fait un concert de folie et qui a eu la chance donc d'être enregistré pour la postérité et qui est sorti donc dans le coffret Dookie 30e anniversaire. Dont on vous a passé quelques extraits déjà depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, Green Day qui vient de sortir un nouvel opus là au mois de janvier et qui sera en concert à Paris-Bercy, pardon, l'Accor Arena Hotel. Putain, qu'est-ce que j'ai du mal avec ce nom. Au mois de juin prochain. En attendant, revenons donc en 94 avec un extrait du live à Barcelona avec le morceau Clump. Chump. Je sais même plus, j'arrive même plus à me relire. Oui, c'est Chump. The song is called Chump, right? Can't do it by myself. On aurait bien laissé tout continuer jusqu'au bout, mais enfin bon, on peut pas parce que faut passer d'autres choses quand même. Longview et Chump, donc deux extraits du Live in Barcelona de Dookie, extraits donc du coffret sorti début janvier, donc pour célébrer les 30 ans de cet album mythique qui les a propulsés sur la scène internationale. Et depuis, c'est devenu un acteur majeur de la scène rock. Puisque, je viens de vous les dire tout à l'heure, ils viennent de sortir un dernier album et ils seront en concert au mois de juin dans une des plus grandes salles de Paris, l'Accor Arena Hotel. Une petite nouveauté, bon, la première de la soirée, là on va changer complètement de registre. Donc là, si vous avez les oreilles un petit peu sales, un petit peu de cérumen, croyez-moi, après ça, il n'y aura plus rien. D'ailleurs, je sais même pas s'il restera des neurones encore après. Avec un groupe qui vient de la région parisienne qui s'appelle Aoratos, qui existe depuis quelques années, qui a déjà sorti un EP, qui est du mélodique black metal. L'album s'appelle Ecclesia Gnostica, il est sorti mi-janvier. Et le morceau que je vous ai choisi ce soir s'appelle Daf, et on l'a... Vous allez kiffer pour tous ceux qui aiment le brutal, le méchant, le sordide, le lugubre, le glauque. Tout ça, c'est fait pour vous. Oups, c'est les inconvénients du direct. Êtes-vous toujours vivant? Are you still alive? Bah, après ça, si vous l'êtes encore, tant mieux pour vous. C'était Ruin avec un extrait de son album Chapter 2, The Flames, The Fallen, The Fury, Part 3. Extrait donc Ruin, qui était en concert à Orléans au Dropkick jeudi soir. Hein, donc les amateurs, je pense, ont dû apprécier. Sinon, juste avant, c'était donc la première nouveauté avec Aoratos et son premier album Ecclesia Gnostica et le morceau DAF. Maintenant, allons faire un petit tour en Suède, retrouver les vétérans de Sorcerer et leur dernier album Reign of the Reaper. Et on va se décrasser les esgourdes avec The Kingdom Will Come. Let's go. petit bond en arrière, nous étions en 1990, année où Black Sabbath sortait son album Tyr. Bon, c'est pas un album qui a le mieux marché, c'est vrai qu'à l'époque, le groupe était plutôt en deuxième, voire même troisième division, mais sortait quand même des choses assez intéressantes. Donc c'était The Lawmaker à l'instant. D'ailleurs, si vous aimez cette période de Black Sabbath, normalement cette année devrait sortir un coffret avec tous les albums avec le chanteur Tony Martin, avec des inédits, des lives, etc. Mais enfin, ça fait 2 ou 3 ans qu'on nous promet ça, et donc... À suivre. Juste avant, beaucoup plus récent, puisque sorti en fin d'année dernière, le nouvel opus de Sorcerer, Reign of the Reaper, c'était The Kingdom Will Come. Electric Shock va se muer en Acoustic Shock maintenant, puisqu'on va revenir au premier live, enfin mini EP de Messaline, groupe de Bourg-en-Bresse qui a déjà sorti 5-6 albums, dont on vous a passé à chaque fois quelques extraits. Il faut dire qu'il y a des choses très intéressantes dans ce mélange de rock progressif, de hard rock, de plein de choses. Mais pour ce live, c'est un live complètement acoustique qui s'appelle Braconnier du Silence, où il y a quelques morceaux inédits, et puis aussi quelques morceaux extraits du dernier album, dont les 3 striges qu'on va se faire maintenant. Donc, je vous le dis, c'est Acoustic Shock, tout de suite maintenant. We'll va crever sans sa fille de lumière. Vous n'êtes pas trompé de station, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Ça, c'était la pause Acoustic Shock avec le live acoustique de Messaline Braconnier du Silence. Et vous venez d'écouter à l'instant les trois striges. On va rester toujours en live avec le groupe anglais Thunder qui là nous a sorti fin janvier deux lives en même temps. Donc ils ont été piochés de leurs archives avec un live de la tournée Wonder Days et un autre de la tournée Robert Johnson Tombstone de 2006, en attendant un prochain album certainement d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Alors si vous aimez ce genre de hard rock classé entre Free et Whitesnake, Thunder, c'est un incontournable. Eh bien, on va se faire un petit extrait du live at Leeds enregistré en 2015 pour la tournée Wonder Days. Et c'est évidemment, qu'est-ce que ça va être? Bah, Wonder Days. First day of school, they call me a disgrace. ce genre de rock, c'est clair que c'était indémodable. C'était le classique de Thunder, Backstreet Symphony, extrait donc du live at Islington Academy, enregistré donc en décembre 2006. Juste avant, c'était Thunder également, mais extrait du live at Leeds, lui, qui date de 2015, et c'est, enfin, l'enregistrement, puisque c'est sorti là au mois de janvier. C'était donc Wonder Days. Ça va toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et ouais, on est bientôt une heure de passé. C'est vrai que ça passe très très vite. Quand on a de la bonne musique et de la bonne compagnie, ça va très bien se passer. Ce qui suit maintenant, ça va être une nouveauté. Alors, c'est un groupe qui nous vient des Herbiers, donc de Vendée. Et pourtant, quand on voit la dégaine et la pochette, on pourrait croire qu'ils viennent plutôt de Californie, de Venice Beach, c'est clair. Ce groupe qui s'appelle Heads Up, qui existe depuis bientôt 10 ans, vient nous sortir son premier album. Il s'appelle The Way of the Cure. Alors quand vous voyez la pochette, vous voyez un hamburger géant qui court après les musiciens pour les dévorer, on se dit, là c'est clair qu'on n'est pas en plein délire métaphysique, on va se payer une bonne tranche de rigolade, et c'est le cas d'ailleurs. Et en fait, musicalement, bah, si on est plus proche aussi de Green Day qu'on a eu tout à l'heure, de Offspring, de Sum 41, ce genre de choses, c'est-à-dire du punk rock qui ne se prend pas la tête et qui fait vraiment du bien, ça donne une envie, c'est d'aller chercher une bière dans le frigo, de la décapsuler et de danser dans le salon et de tout casser. Mais qu'est-ce que c'est bon. D'ailleurs, même le titre de ce soir, là, bah, c'est tout un programme, puisque ça nous dit « A song for people who hate punk rock and countryside ». Alors déjà, je crois qu'avec ça, vous savez ce qui vous attend. evil forces are rising, our gods are reigning. There's a beam through the dark, and it's just the beginning. Everybody get around for a final mission. Plus fort que les X-Men, plus fort que les Fantastic Four, les Justice League réunis, c'était les Beervengers. Et Beervengers, eh bien, c'était les Dirty Fonzie qui nous racontaient ça sur leur album Full Speed Ahead. D'ailleurs, les Dirty Fonzie seront en concert à l'Astrolabe le 5 avril prochain en première partie des Shérifs. Avant Dirty Fonzie, eh bien, aussi une nouveauté, elle est le groupe Heads Up qui nous venait de Vendée, son premier album The Way of the Cure, avec le morceau qui s'intitulait A Song for People Who Hate Punk Rock and Countryside. Voilà, de quoi disserter philosophie un bon petit moment. Maintenant, on va changer encore une fois de registre à quelque chose de beaucoup plus ouaté, de beaucoup plus aérien, avec l'album de Madeleine Keys, qu'on vous a déjà passé depuis plusieurs semaines. Et on va se détendre, on va fermer les yeux, on va aller très loin avec le morceau Flaming Tree. She yearned to find will never be found, suspending through the clouds and the hills, fading into the crowd, the gathering of wills. She vanished from the mist of our lives, far beyond a hope and despair, and I'm losing a right. Would she really care? But she lives in me, and no one can see. Would she nod her hand in the flaming tree? But she lives in me. Oh, ambiance feutrée et ouatrée avec le dernier album de Madeline Kay's Event Horizons. C'était Flaming Tree. On va revenir maintenant à quelque chose d'un peu plus doom, d'un peu plus glauque, un peu plus métal, oui, disons-le franchement, avec le premier album de Witcher Youth, que je vous ai présenté la semaine dernière, et vraiment qui est vraiment une belle découverte. Je pense que c'est un groupe à suivre dans les années prochaines. Donc, en attendant, on va se faire un petit morceau qui est The Witch. Et c'est sur cette fin bien flippante que The Witch, extrait donc du premier album éponyme de Witcherius, qui s'achève. On va se faire une nouveauté maintenant, la troisième de la soirée. Alors là, on va changer complètement de registre avec un genre intemporel, puisqu'on va se faire du blues, ni plus ni moins, avec quelqu'un qui s'appelle Freddie Miller. Freddie Miller, c'est quelqu'un qui a été pendant 10 ans le chanteur de Shake Your Hips et qui maintenant vole de ses propres ailes et a sorti déjà un album. Donc son nouveau est sorti fin novembre et on va le découvrir maintenant. Son album il s'appelle déjà, que je ne dise pas de conneries, Just Be Yourself, voilà. Et le morceau que je vous invite à découvrir ce soir, c'est A Road on the Sea. ça sent bon la Californie. Ben, ça tombe bien parce que c'est là d'où ils viennent. C'était donc Robert John and the Wreck avec un petit extrait de Riding to the Light, leur dernier album sorti au mois d'août. Et Robert John and the Wreck qui nous avait rendu une petite visite là en Beauce à Talcy au mois de septembre. Et vraiment un groupe vraiment génial si vous aimez ce genre de rock sudiste. À suivre. D'ailleurs, leur prochain album sortira au mois de juin et ils seront en concert à Paris au Trabendo au mois de novembre. C'est commence à marcher pour eux et c'est vraiment mérité, croyez-moi. Ah, la suite. Alors ça, si vous connaissez Electric Shock et que vous me connaissez, vous savez que je suis en train de baver depuis tout à l'heure puisque la nouveauté suivante, c'est le coffret de Motorhead, The Lost Tapes, volume 1 to 5, qui vient juste de sortir. Composé donc de 8 CD et de 5 concerts inédits ou presque. En fait, quand je dis inédits ou presque, c'est que les 4 premiers volumes, en fait, étaient sortis en vinyle, mais dans le cadre du disque RD, ça veut dire donc une diffusion quand même très restreinte. Et le volume 5, qui est complètement inédit, là, il est sorti en vinyle aussi, en même temps que ce coffret. Alors, ça, on a différentes périodes de Motorhead. On a un concert de 95, de l'époque de Sacrifice, un de 98, un de 2000, un de 84, et un de 2008, le concert de Donington. Par contre, c'est des enregistrements vraiment bruts de pomme. Hein. Vous attendez pas de la super qualité. Enfin, c'est des qualités professionnelles, mais je veux dire, c'est de l'enregistrement en sortie de table de mixage. C'est-à-dire, on entend un public très lointain. On a l'impression que le groupe joue en répète, mais non, c'est pas le cas. C'est que tout simplement, c'était destiné à finir dans les archives. Et c'est très bien pour moi. C'est ce qu'un live, ça doit être. Ça doit représenter vraiment l'instant T. Pas la peine de retoucher. Alors, il y a des moments où vous dites, oh, la guitare est noyée, la batterie est un peu trop forte. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit être un concert. Alors pour ce soir, on va se faire deux petits extraits donc du volume 1, enregistré à Madrid en 95 pour la tournée de Sacrifice, qui était en même temps les 20 ans. On va tout d'abord se faire un grand classique de Motorhead, le fameux Kill by Death. Et après, il y aura une petite surprise extraite de ce concert vraiment fabuleux. So far, so good, huh? Ça fait du bien, ça. Ah la vache. Silver Machine, eh oui, c'était la surprise. C'était donc le classique d'Hawkins, repris donc par Motorhead. Ça, c'est ce morceau qui n'avait pas été joué depuis leur tout début. Pour les 20 ans, Lemmy l'avait remis à la setlist. Juste avant, vous avez reconnu le classique Kill by Death, et ça s'est extrait donc du concert de Madrid du 1er juin 95, extrait donc du coffret The Lost Tape, The Collection Volume 1 to 5, regroupant donc 5 concerts différents de Motorhead, et c'était donc la quatrième nouveauté de la soirée. Ça, vous en aurez droit dans les semaines qui vont suivre. Bon, on va calmer un peu le jeu, et pour ça, on va revenir à l'album de Bloodline. de Brice Braska qui s'appelle Bloodline, je vais dire l'inverse, et on va se faire le morceau Into the Sun et sa petite intro Swing for Lovers, plus cool quand même. Love you. pas mal du tout ça pour un premier album. C'était Braska avec Into the Sun, extrait du dernier album, enfin du dernier qui est même leur premier album, Bloodline, sorti au début décembre. Eh bien on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec le groupe Exciteden. En fait, Exciteden, c'est les trois ténors en diva du métal. En fait, elles sont trois chanteuses de registres complètement différents, dont la chanteuse Clémentine Delaunay qui nous vient donc du groupe Visions of Atlantis, qui est la plus connue. C'est leur deuxième album. Enfin, sur le premier, ils étaient quatre, puisque l'américaine Amanda Somerville est partie. Et sur une fois, un mix de reprises plutôt pop et de chansons, de morceaux originales. Alors, j'ai vu des critiques assez dithyrambiques. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, je dois avouer que j'ai acheté l'album. Mais quelque part, je suis un peu resté sur ma faim, parce que autant sur la forme, il n'y a rien à redire. C'est super bien produit, c'est super bien chanté, c'est bien joué. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai trouvé que les morceaux dits originaux... n'avait pas grand chose, ça se laissait écouter, mais qui voilà, ça portait pas grand chose au schmilblick. Quant aux reprises, pour la plupart, elles sont très bien interprétées, c'est pareil, c'est un peu trop fidèle à mon goût, et pareil, donc ça n'apporte pas grand chose non plus au schmilblick, mais enfin bon, c'est quand même pas mal foutu. Et par contre, s'il y en a une qui avait retenu mon attention, c'est la reprise de Marilyn Kelly, qui est à l'origine plutôt une balade, et là, la façon dont elle a été traitée, je trouve que ça mérite vraiment son pesant de cacahuètes. Donc, extrait donc de l'album qui s'appelle Femme Fatale, Exciteden, donc dernière nouveauté d'Electric Shock pour ce soir. I never. back in his arms is where she'll be. Vous aurez reconnu le classique de Gary Moore, Over the Hills and Far Away, extrait donc de l'album du même nom de Nightwish, comprenant des morceaux studio et des titres live qui étaient sortis en 2001. Ah ouais, ça ne nous rajeunit pas ça. Par contre, avant, c'est tout nouveau, tout chaud, puisque c'était la dernière nouveauté d'Electric Shock, Excited Un et leur deuxième album Femme Fatale, et c'était la reprise de Marillion, Kelly. Bon, on a le temps de se faire un dernier morceau avant de passer l'antenne à notre Christophe, puisque Electro Live est en train de s'échauffer. On va faire un petit tour dans l'univers chaotique et dystopique de Chargotte et leur troisième album Let Me Out, et on va terminer avec Life and Choices. Get up and fight your trauma, fuck you in your dream. Life and Choice de Chargot. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Ben, merci d'avoir été encore à l'écoute une fois de plus à ce rendez-vous du métal. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bien évidemment, mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel, puisque la musique continue maintenant avec un autre Christophe, puisque Electro Live, ça va chauffer maintenant. Salut Christophe, comment Salut. Vas-tu? Bonsoir à toutes et à tous. Ça va, ça va. Qu'as-tu à proposer aux auditeurs de Electro Live ce soir? Un set plutôt funky house ce soir. Ça va changer de la semaine dernière qui était plutôt techno. Avec une grosse nouveauté au tout début. Eh ben voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. C'est de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Une grosse nouveauté qui est en fait un xième remix d'un très très très vieux truc. Très connu. Donc en gros, c'est on fait du neuf avec du vieux. Ouais, voilà, c'est du très vieux. Voilà, mais il n'y a pas de problème pour ça, au contraire. Donc restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel. Electro Live, c'est tout de suite maintenant.